Amour, au-delà de ta bouche, au-delà de tes yeux, j'ai goûté le pain, j'ai retaillé les joncs qui suspendaient ma vie. J'ai suivi le chemin tracé sur la courbe de tes cils, où le soleil s'engouffre avant d'élargir la nuit. Retailler le pain.